بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثاره فما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عقوق الوالدين. العقوق ça vient de عق dans la langue arabe qui veut dire القطع, le fait de couper une chose, d'interrompre une chose. عقوق الوالدين أي قطع عقوق الوالدين, le fait de rompre les droits que les parents ont sur toi. Donc là c'est le fait d'interrompre ou bien de couper les droits que les parents ont sur toi. Et les droits que les parents ont sur nous, comme on a pu voir à travers les babs précédents, c'est qu'on soit bienfaisant envers eux. Al-ihsan, al-birr, al-aq, c'est dit d'al-birr. Al-birr, c'est l'ihsan. Ou al-aq, c'est al-isa'a, le fait d'être malveillant. Le fait d'être mauvais envers ses parents, que ce soit par des paroles qui sont mauvaises, que ce soit par les actes. مثلاً يعني lorsque tu veux dire une personne يعني qui elle est lourde, tam, يعني ce geste qu'ils font presque au-dessus de l'épaule, ça كذلك c'est compté comme un acte يعني qui est malveillant envers les parents, ou bien dans la manière de se présenter devant eux, كذلك يعني d'une posture qui laisse entendre يعني que cette personne-là ne respecte pas ses parents, tam, ne respecte pas ses parents. فالعقوق يعني قد يكون في الأقوال, il peut être dans les paroles, fil afhal, dans les gestes, dans les actes, ou kadalika fil halat, dans les postures, dans la manière de se tenir devant les parents. Fa kullu dhalika, il veut nous montrer l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala que c'est une affaire qui est énorme. Et que ceci fait partie des grands péchés, comme on va le voir à travers le hadith qu'il a cité. Fa birr al-walidin, comme on a pu voir, à travers le bab jaza al-walidin, la rétribution de le fait de rétribuer les parents, c'est une chose qui n'a pas d'équivalent. فكذلك العكس عقوق الوالدين سنساء, c'est une malveillance qui n'a pas d'équivalent. بر الوالدين, c'est une أعمال qui n'a pas d'équivalent. On a pu le voir à travers la parole d'Ibn Abbas, il a dit لأعلم عملا يقربك إلى الله من بر الوالدة, je ne connais pas une œuvre qui te rapprochera aussi bien d'Allah عز وجل que le fait d'être bienveillant envers ta mère. Fait, c'est une œuvre qui est énorme. Et l'axe kazalika, il est énorme. Le fait d'être mauvais envers ses parents, kazalika, c'est un acte qui est énorme. Allah Azza wa Jalla qala wa la taqul lahuma uff. Il y a une deux lettres. Yani c'est la plus petite des isa'a qui peut être faite. Et cette isa'a, le fait de dire ouf, ça fait partie des grands péchés, même des plus énormes péchés. Comme on va le voir à travers le bab. Fa bab uquq al-walidain, après avoir évoqué birr al-walidain et tout ce qui est en rapport avec birr al-walidain, fa hauna, il va évoquer l'inverse. Le fait de rompre les biens, les droits que les parents ont sur nous. قال رحمه الله قال حدثنا مسدد, il fait partie des grands imams رحمه الله تعالى. قال حدثنا بشر ابن الفضل, كذلك il fait partie des siqat, des personnes de confiance, de mémorisation et de hadal d'istiqama. قال حدثنا الجويري, والجويري c'est سعيد ابن إياس, il est siqa غير أنه اختلط, c'est-à-dire que rahimahullah ta'ala il a été touché par une épidémie et cette maladie là eh ben elle a influé sur sa mémorisation, fait il s'est mis à oublier, à mélanger énormément. C'est ça, c'est ce qu'on appelle al-muhtalit. Al-muhtalit, c'est celui qui mélange, il ne sait plus, plutôt yani les hadiths qu'il les a appris il les narre d'une autre façon, le muhtalit. Enfin, ils disent les ulama que ces personnes là lorsque les rapporteurs qu'ils ont pris de lui avant qu'il devienne muhtalit, avant qu'il commence à oublier, à mélanger, le hadith, si jamais cette personne-là les siqa, celle qui a pris, l'élève qui a pris de lui, ben, ce sera un hadith qui sera accepté. Tandis que les personnes qui auront pris de ce shikh-là, al-Juwayri, après qu'il ait été touché par l'Ikhtilat, eh ben, le hadith ne sera pas accepté. Et Bishr ibn Fadl, son élève, il fait partie de ceux qui ont pris de lui avant, plutôt après l'Ikhtilat. Bakin, on va voir le hadith. Ça ne dérange pas parce qu'il est dans Bukhari et Muslim. قال عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة. Et عبد الرحمن ابن أبي بكرة, c'est le fils du نعم الصحابي الجليل أبي بكرة نوفع ابن الحارث. Et certains ont dit que c'est le premier des enfants parmi les Ansar qui est né bil Medina. Lakin al-Sahih, c'est Abdullah ibn Zubair. Ikhtalaf al-Ulama, qui est le premier enfant des Ansar qui est né bil Medina. Al-Sahih, c'est Abdullah ibn Zubair. Et certains ont dit que c'est Abdurrahman ibn Abi Bakr. Face à un tabi'i, il a un énorme mérite. Il fait partie des premiers enfants qui sont nés dans l'islam. C'est ça que ce que je voulais dire, non. Les premiers enfants qui sont nés dans l'islam parmi les Ansar bil Medina. قال عن أبي بكر نفاع بن الحارث رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال عن أبي أي نفاع بن حارث أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. Ce hadith est authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Le fait que Bishr ibn Fadl a rapporté de al-Juwayri qui est mortalet, ici ça n'influe pas parce que ce hadith-là, il est évoqué dans Bukhari et muslim et peut-être un est d'une autre chaîne de transmission. Fal muhim al-hadith, c'est un hadith qui est authentique, ma'ruf. فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ Ne vous ai-je pas informé des plus grands péchés؟ فهنا نستفيد أن الكبائر تنقسم إلى قسمين. Les grands péchés se divisent en deux. T'as les grands péchés et t'as les énormes péchés. أكبر الكبائر. Les grands péchés qui sont énormes, عظيم جدا, et t'as ceux qui font partie des plus grands péchés. On a les grands péchés et les énormes péchés. Fahawana, il va nous évoquer ceux qui sont au-dessus d'Al-Kabair. Les péchés qui sont énormes, jiddan. Qui sont énormes, jiddan. Fahawana, il a utilisé un uslub, sallallahu alayhi, afin de leur faire profiter de cette information-là. Qui est quoi? L'interrogation. Il leur a posé une question. Ala unabbi'ukum bi'akbar al-Kabair. Al-insan, lorsqu'il veut faire profiter autrui d'une information, il a plusieurs façons, plusieurs sabils pour cela. ومن ذلك الإخبار، le fait qu'il informe directement, c'est-à-dire il aurait pu dire al-ishraku billah wa uquq al-walidain wa qawl az-zur min akbar al-kaba'ir. Il aurait pu apporter la faïda de cette manière-là. لكن ها هنا اهتماما بالموضوع, afin de marquer l'importance de cette information-là, il a utilisé l'uslub, le style qui est quoi, interrogatif, afin que la personne soit attentif. Quand je te pose une question, ben là, j'ai ouvert un dialogue avec toi. Tandis que si jamais je viens et que je t'informe directement sans passer par l'interrogation, par le fait de poser la question, il se peut que la personne à ce moment-là ait été étourdie. Il se peut qu'il pense à une autre chose. Lorsque je lui pose une question, khalas, cette personne-là va être muntabihat. Elle va faire attention à ce que je vais dire. Parce qu'il va s'attendre lui à répondre. Parce que je te pose une question, donc j'attends de toi une réponse. Lakin hahona, on n'attend pas de lui une réponse. Lakin, on ramène le style interrogatif afin de capter l'attention de cette personne-là pour qu'il profite énormément de la formation qui va lui être livrée. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam subhanahu wa ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaykum, et il s'est vertué, yani à faire attention à vous. Il était très accroché à vous. Et ça, c'est un exemple qui nous montre l'accrochement du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam pour les sahabes et kazalika pour ceux qui viennent après les sahabes. Fait, il s'est vertué à faire en sorte que ses compagnons profitent des fawaïd du mieux qu'ils peuvent. Et ça passe par le fait de exposer l'information par ce style qui est le style interrogatif. Tam as-su'al ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. Toute personne qui va entendre cela, qu'est-ce qu'il va dire? Ben là, comme ils ont dit. Au contraire, bien au contraire, ya Rasulallah. Et Hahona, il a utilisé kadalika un autre usloub qui s'appelle Al-Hard. Al-Hard, c'est le fait de ramener ce harf au début, Ala, qui est utilisé par Tlofik Yahani pour inciter une personne. Ala unabbi'ukum bi'akbar al-kaba'ir. Yahani, tu veux l'inciter à connaître l'information de cette question-là. Al-Hard. Ça, kadalika, c'est un usloub kadalika qui rajoute dans le fait de faire profiter une personne. Tu viens avec un lin, un rifq, Au lieu de dire ma hiya akbarul kabair, un peu comme une personne qui veut s'imposer sur une autre. Amma al-an, tu lui poses une question, lakin billati ahsan. Ala unabbi'ukum bi akbar al-kabair. Yani bil-rifq wa bi tout en douceur. La personne ne peut que accepter et être attentif. Ala, il a utilisé ala et il a utilisé le style interrogatif. Et ça fait partie des usloub que le da'i ila Allah azza wa jalla il doit avoir en tête. Lorsqu'il veut faire profiter au maximum une personne, il sait qu'il a des outils qui vont le permettre, yani de transmettre cette information-là de la meilleure des manières. Et parmi cela, le fait de poser une question, car cette personne va être attentive, et de la poser en douceur. Ça, c'est un usloub qu'on se doit de garder en tête, nous qui sommes du'at ila Allah azza wa jal. Allah azza wa jal, il l'a dit avec Pharaon, par rapport avec Moussa et Pharaon, « Idhhab ila Pharaon, innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka. » Et Pharaon, qui te dira qui est Pharaon? Un grand tyran. Malgré cela, Allah Azza wa Jalla a exhorté Moussa, qui se présente à lui, et qui l'informe d'une chose avec douceur. Hal laka ila antazakka. Hal laka ila antazakka. C'est une question. Kadhalika. Toute personne qui va entendre cela, il va dire, naam, je veux être purifié. Hal laka ila antazakka. Souhaiterais-tu, yani, être purifié? Enfin, le style interrogatif est surtout accompagné avec la douceur, avec ces articles qui nous permettent de mettre de la douceur dans nos questions. Ça, c'est muhim jiddan. Muhim jiddan. Le but, c'est que la personne, elle accepte. Et pour que cette personne, elle accepte, elle rifq. Allah Azza wa Jal yaqul, ou plutôt un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, inna Allah rafiqun, Allah idu, wa yuhibbu rifq fil amr kulli. Et il aime la douceur dans toutes les affaires. قال ويعطي على الرفق et il donne à la douceur ما لا يعطي على العنف ولا على ما سوى. Et il met dans la douceur une baraka et un khair qui ne met pas dans d'autres choses. Ça nous montre que al-aslu fi da'wa, c'est la douceur. Al-aslu fi da'wa, c'est la douceur. Quand on dit al-aslu, c'est-à-dire yani, c'est pas tout le temps, parce que il y a d'autres preuves qui montrent que des fois il faut utiliser la dureté et la rigueur. قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. المنافق c'est qui? C'est celui qui a mis en avant l'islam. Donc les personnes pensent qu'il est musulman. Malgré cela, il a dit واغلظ عليهم, sois dur avec eux. Donc ça nous montre que comme قال الامام الالباني رحمه الله تعالى, يعني à travers les exemples qu'il a cités dans lesquels le Nabi sallam il a fait preuve de dureté, comme la personne qui a dit ما شاء الله وشئت فقال اجعلت لي لله ندا. Et la personne qui a Abu Sanabil, lorsqu'il avait dit que la femme qui est enceinte et qui a été divorcée a doit attendre 3 cycles de comment s'appelle, de viduité, comme il dit, de purification. فقال كذب Abu Sanabil. فالمهم, il a utilisé la dureté dans certaines des affaires, dans certaines des affaires. Il a utilisé la douceur, comme celui qui était venu et qui avait uriné dans un coin de la mosquée. Et il avait dit aux compagnons, laissez-le terminer. À notre époque, quelqu'un qui fait cela, c'est fini, il va ressortir en sang, ils vont pas le... Ma yarhamuhu abadan. Enfin, il a utilisé une douceur dans des moments où n'importe qui l'aurait utilisé la rigueur et la dureté. Et il a utilisé la dureté dans certains moments où peut-être que toi tu aurais fait preuve de douceur. Lakin kama qala al-imam al-albani rahimahullah ta'ala. Il a pris l'exemple de Aïcha lorsque les Yahoud, ils ont dit « Assalamu alaykum », que le poison soit sur vous, ou que la mort soit sur vous. Fahima al-Nabi, il a compris ce qu'ils ont dit. Il a dit « Wa alaykum ». Wa Aïcha l'a dit « Wa alaykum assam wa la'anatullah ikhwatul qirada wal khanazir », que la mort et la malédiction d'Allah Azza wa Jalla soit sur vous, frères des porcs et des cochons. Il lui a dit « Mahlam ya Aïcha ». Elle lui a dit « Mais t'as pas entendu ce qu'ils ont dit ?» Il a dit « Si, j'ai entendu. » Et c'est pour ça que j'ai répondu « Wa alayk ». Après, il lui a évoqué que Allah est rafiq et il aime la douceur dans toutes les affaires. Et il dit, Cheikh Al-Albani, ça c'est un exemple qui nous montre que l'insan, même si en parlant d'Aïcha, qui a été éduqué dans Bayt al-Nubuwa, dans la maison de la prophétie auprès du prophète, elle n'avait pas un meilleur enseignant. Malgré cela, elle a fait une erreur, elle a utilisé la dureté là où il fallait utiliser la douceur. Donc il dit que dire des personnes qui viennent après Aïcha, c'est clair qu'ils vont utiliser des fois la douceur dans les moments où il faut utiliser la rigueur, ou bien la rigueur dans les moments où il faut utiliser la, la douceur. Il a dit fal muhim adda'i ila Allah azza jalla, il se doit d'être hakim. Lorsqu'il voit qu'il faut qu'il utilise la shidda, il l'utilise. Et lorsqu'il voit qu'il utilise, il faut qu'il utilise la douceur, il faut qu'il l'utilise. Mais, à savoir que la douceur, Allah Azza wa Jal, il met dedans un khir qu'il ne met pas dans d'autres choses. Enfin, lorsqu'on peut utiliser la douceur, il faut le faire. Et même dans des moments où tu penses que être normal, ça suffira. Le fait de dire, مثلاً, tu dis, « Al-ishraq billah wa uquq al-walidain min al-kaba'ir » Il n'y a pas de mal à dire ça là. Lakin al-an, qu'est-ce qu'on veut nous? On veut que cette personne-là s'estafète. Donc on doit nous le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il s'estafète. Et parmi cela, il faut qu'on lui ramène la faïda de la meilleure des façons. Poser une question et la poser en douceur. Naam. Qala thalathan. Ça nous montre encore kayfa kana harisan an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Thalathan, il a répété cela 3 fois. Et dans le hadith, il est dit كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثة وإذا دعا دعا ثلاثة. الحديث الأوثنتيك في الصحيحين. Le prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il informait d'une chose, il a répété 3 fois, et lorsque c'était une chose qui était importante, il a répété 3 fois afin que les personnes يعني prennent l'information au sérieux et au sérieux plutôt et qu'ils fassent attention. Et إذا دعا دعا ثلاثة الإلحاح يعني le fait de le fait de répéter une chose, yani, afin de, par envie, par rahba d'avoir ces choses-là. J'oublie le mot exact, yani, par rapport à la traduction de l'ilhah. Enfin, il a répété 3 fois. Farahona, dans la question, il a utilisé 3 usloub, afin de marquer l'importance de ce qui va suivre derrière. Premièrement, la douceur. Ala unabbi'ukum. Deuxièmement, la question. Troisièmement, le fait qu'il répète. Enfin, tout, kullu hadhihi al-ashya. Ça fait partie des usloub, yani, qui nous permettent de ramener l'information, la faïda, de la meilleure manière afin qu'elle soit acceptée. Qalu bala ya Rasulullah. Qui va dire non? Alors, on a vu comme un sahabi, il veut, qu'Allah Azza wa Jalla l'épargne du feu de l'enfer. Parce que là, on parle de kabar. Donc, ça parle de quoi? Et akbar kabar. Plus grande, yani kabar. Et donc, ça parle des choses qui vont être importantes. Qalu bala ya Rasulullah. Bien sûr. Au contraire. Et qui ne voudrait pas cela? Tamha honan qala bi akbar al kabar. Comme on a pu voir. Al-Kabira tanqasim al-Qismin. Al-Kabira en elle-même se divise en 2. Kabira et Akibar al-Kabair. Si on traduit ça en français, grand péché et énorme péché. Awalan al-Kabira, il faut savoir que, yani l'ouratan, comme ils ont dit, c'est Al-Amr al-Azim. Al-Kabira, c'est un nom qui est donné à l'affaire qui est immense, qui est grande. Et Shar'an, celui qui a mieux qualifié la Al-Kabira, bah c'est Ibn Abbas, radiallahu anhumain. Lakin les ulamas sont venus derrière, ensuite ils ont la khas. Comme c'est le cas de l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, faqala Al-Kabair, bima yudib haddan fi dunya, ou wa'idun fi l'akhira. Qala l'imam Ahmed, rahimahullah, comme l'a évoqué Abu Ya'la, dans son kitab Al-Idda, ou l'Udda, j'oublie, je crois que c'est l'Idda ou l'Udda, c'est l'Isme. Le volume 3, la page 946. فقال قال قال حد أحمد رحمة الله عليه l'imam Ahmed a défini al-kaba'ir بما يوجب حدا par la chose qui oblige une sanction fit dunya. Parmi cela les al-hudud, le fait que celui qui vole on lui coupe la main, celui qui fait zina il est fouetté, celui qui est marié qui a fait zina il est lapidé. Celui qui commet l'homosexualité, il se doit d'être exécuté. Celui qui apostasie, kadhalika, il se doit d'être exécuté. Et autre parmi les sentences qui sont évoquées pour les péchés. Naham. Haddan fi dunya qala wa wa'idun aw wa'idun fil akhirah. Ou bien yani il est évoqué à ce péché-là une menace fi al akhirah. Comme par exemple قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يدخل الجنة تقاطع ne rentrera pas au paradis celui qui aura rompu les liens de parenté. فهنا il a évoqué une menace. Il a évoqué une menace qui est le fait que cette personne-là ne rentrera pas au Jannah. Comment on reconnaît la kabira? Comme l'a dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, c'est celle dans laquelle il est évoqué une sentence dans la vie d'ici-bas ou bien une menace dans l'au-delà. Ça, c'est la meilleure définition de quoi? De Al-Kabira. Et la meilleure des définitions, c'est le fait que, yani, il a été dit dans l'énoncé que ça fait partie des kaba'ir. Ça aussi, c'est une définition de la kabira. La définition de la kabira, elle se divise en deux. Celle qui est sariha, celle qui est claire, nette et précise, c'est celle dans laquelle il est dit que ce péché-là est une kabira. Intaha. Et t'as d'autres péchés dans lesquels il n'est pas dit que ça fait partie d'une kabira. Lakin, tu vois que ce péché-là est accompagné d'une menace dans la vie d'ici-bas, dans l'au-delà, ou bien d'une sanction, d'une sentence dans la vie d'ici-bas. Donc il y a une qui est sariha, il y a les kabiras qui sont sariha, et il y a les kabiras qui sont ghayr sariha. Et kadhalika, il faut savoir que min al-kaba'ir kadhalika al-isharar al-sagha'ir. Le fait de s'entêter à faire un péché, un petit péché. فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال لا لصغيرة مع الإسرار ولا كبيرة مع الاستغفار. C'est une parole qui est connue d'Ibn Abbas. قال لا صغيرة مع الإسرار. Il n'y a pas de petit péché si jamais la personne يعني s'entête dans les péchés. Enfin, il veut dire par cela que celui qui s'entête dans les péchés, le petit péché va devenir un grand péché. حكمًا. Il sera jugé comme un grand péché. وقال ولا كبيرة مع الاستغفار. Ce qui est voulu par l'istighfar هنا, c'est la tauba. Et celui qui fait tauba, Allah Azza wa Jal va lui pardonner al-kabira. C'est ce qui est voulu. Ce qui nous intéresse dans cet énoncé, malgré que tout est intéressant, لكن ce qui est مناسب هنا, فقال لا صغيرة مع الاسرار. Il n'y a pas de petits péchés avec le fait de s'entêter dans les petits péchés. Fait les ulama, ils ont dit que le petit péché, celui qui s'entête à faire un petit péché, ce petit péché-là va devenir un grand péché. Celui qui s'entête à faire un petit péché, ceci va devenir un grand péché. Fa'ahahuna, al-kabira, t'as deux kabira. T'as la kabira qui est en elle-même une chose qui est azim, malgré que tous les péchés sont azim. C'est pour ça que hatta même certains des ulama, ils ont dit, les péchés ne se divisent pas en deux. Tous les péchés sont énormes. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, celui qui désobéit Allah Azza wa Jal, il a désobéi à Allah Azza wa Jal l'immense. Et le fait de désobéir à l'immense rend le péché immense. Qala subhanahu wa ta'ala, قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dans ce verset-là, il est dit, allez-vous mécroire à celui qui a créé la terre en deux jours et allez-vous placer des semblables à celui qui a créé yani al-ard en deux jours pour montrer la puissance d'Allah et que le fait qu'Allah Azza wa Jalla est aussi puissant, on ne peut pas se permettre de lui associer. Allah Azza wa Jalla est unique dans ses actes, Jalla wa Ala. Et le fait qu'il a créé la terre en deux jours, ça montre la puissance d'Allah. Et ça montre qu'Allah Azza wa Jalla est unique et qu'on ne peut que l'adorer et qu'il est interdit de lui placer des égaux à Allah Azza wa Jalla. Qalu dhalika rabbul alamin. Celui dont vous êtes en train d'associer, c'est Rabbul Alamin. C'est immense ce que vous êtes en train de faire. Enfin, les ulama, ils ont pris ce verset-là pour dire que tout péché est immense. Pourquoi? Parce que tu es en train de désobéir à l'immense, Jalla wa Ala. Enfin, si on regarde d'un point de vue que c'est un wazir, c'est une chose qui va nous permettre de s'écarter de tous les péchés, na'am. On dira que tous les péchés sont énormes. Lakin, d'un point de vue religieux et ilmi, les péchés se divisent en deux. Il y a les petits péchés et il y a les grands péchés. قال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه donc il a évoqué le kabair نكفر عنكم سيئاتكم donc il a évoqué deux péchés kabair il a évoqué les sayyat qui sont les sagha'ir donc yani d'un point de vue religieux on peut pas dire qu'il y a pas certains ont dit ça se divise pas en deux ça c'est démentir la aya قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه si vous vous écartez des grands péchés dont on vous interdit نكفر عنكم سيئاتكم vos petits péchés seront expié. Donc là, ça nous montre qu'elle se divise en deux. Lakin, d'un point de vue taqwa, d'un point de vue khouf, na'am, naqul, tous les péchés sont grands. Là, celui qui désobéit Allah Azza wa Jal, faqad asa haziman. Faqad asa haziman, wa man asa haziman, fa dhanbuhu haziman. Et celui qui a désobéi à l'immense, là, son péché, il est immense. Enfin, ça, sahih. Tamam. Et, pour revenir sur le sujet, je me suis un peu écarté, plutôt al-kabira, donc il y a celle dont elle est jugée comme étant une kabira, c'est-à-dire directement, comme ça va être le cas ici, il a dit, l'ishraku billah, ça fait partie des grands péchés, ou bien ceux dans lesquels il est dit que celui qui fait cela aura telle et telle sentence dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, donc comme on a pu voir aussi, c'est une kabira qui est ghair sariha, dans laquelle n'a pas été dit c'est un grand péché, mais il y a des éléments et des indices qui nous permettent de juger de ce péché-là qui est immense. La troisième sorte de kabira, c'est le petit péché dans lequel la personne s'est entêtée. Comme a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qala la saghira ma'a al-israr. Il n'y a pas de petit péché avec l'entêtement. Et les ulama, rahmatullahi alayhim, ils ont évoqué des dalils qui prouvent cela. Et parmi ces dalils, qui nous montrent que les petits péchés, lorsque la personne le fait avec entêtement, sans tauba, sans stirfar, que ce petit péché-là va devenir un grand péché, ils ont évoqué le hadith qui est rapporté fi sunan, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala iyyakum wa muhakkarat adh-dhunub. Prenez garde de mépriser les péchés et les petits péchés. Qala fa innama mathalu muhakkarat adh-dhunub kamathali qawmin nazalu bi batn wadin. Et dit l'exemple de celui qui méprise les petits péchés est semblable à un peuple qui est, ou plutôt qu'à un groupe qui s'est rendu dans une vallée. Faqala قال فجاء ذا بعود وذا بعود حتى حملوا ما أمددوا به خبزهم. Et il a dit, رضي الله plutôt صلوات الله وسلامه عليه, que ces personnes sont descendues, yani, dans ce wadi là, et chacun a ramené une branche, afin d'affaire un grand feu pour pouvoir faire leur pour pouvoir cuisiner. فقال إن محقرة الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها هلك. Et celui qui sera touché par muhakkarat adh-dhunub, par le fait de pas donner de l'importance aux petits péchés, c'est-à-dire à les faire et ne pas faire d'istighfar et ni de tauba, il dit, cette personne-là, il va périr. Naam. Enfin, l'exemple qui a été cité ici, c'est que ces personnes-là ramènent une brindille avec une brindille, jusqu'à la fin, ça fait quoi? Un grand feu. Fait kadhalika, celui qui va faire des petits péchés, un petit péché avec un grand, avec un autre petit péché, jusqu'à ce qu'il va, il va anéantir son cœur. Il va courir à sa perdition. Et certains ont dit que As-Sarira devient Kabira lorsque la personne y s'entête. Pourquoi? Parce que le fait de s'entêter, ça montre que cette personne-là, il donne pas d'importance au petit péché, ou plutôt au péché. Qillatul mubala, il donne pas d'importance. Comme si jamais c'était quoi? Une chose qui était sale, comme c'est venu dans certains exemples. C'est comme l'exemple de la mouche qui est retirée du nez. On y voit le petit péché comme l'exemple de la mouche qui est retirée du nez. Or certains voient que c'est une djebal qui tombe sur ta tête. C'est une chose énorme. Pourquoi? Parce que c'est de zouir à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, celui qui s'entête dans les péchés, ça montre qu'il n'a pas une mubala. Il donne pas l'importance à ce péché-là. Il voit que c'est une chose qui n'est pas importante. C'est pour ça qu'ils ont dit que le simple fait de s'entêter dans les petits péchés, ça fait de lui un grand péché parce que cet entêtement-là, il est accompagné du fait qu'il donne pas d'importance à cela. Naam. Et cet ajout-là donne l'addition que c'est un grand péché. Certains ont évoqué un mythal pour nous montrer que les petits péchés, assemblés, le fait de s'entêter, de répéter un péché, assemblés, ça fait une kabira. Ils ont dit, c'est l'exemple de l'eau, qatarat min al-ma, qui va tomber sur une hajar, sur une pierre, de manière continue, comme la personne qui fait des péchés, on continue. Il dit, tu vas voir que cette pierre-là, elle va être touchée beaucoup plus que si jamais on aurait pris, mathalan, la même quantité d'eau, on l'aurait versée sur la pierre en une seule fois. Enfin, le fait qu'une goutte après une goutte, elle tombe sur cette pierre-là, tu vas voir que cette pierre-là va se fondre en deux, ou bien tu vas voir qu'elle va commencer à être trouée, un trou va apparaître. La trace qui va être laissée sur cette pierre-là va être beaucoup plus grande avec les gouttes qui vont tomber une par une sur cette pierre-là, que le fait d'avoir pris la même quantité qui a été versée goutte par goutte, si le monde aurait versé d'une seule fois. Enfin, ils disent que les petits péchés, ils peuvent même être encore plus grands qu'une kabira. Pourquoi? Parce que par rapport à ce méthode-là qui est wadih, et par rapport au fait, comme j'ai évoqué, que cette personne-là, c'est comme s'il méprisait ce péché-là. Et ça, c'est ce qui est ajouté. Un awalan, il y a qilat al-khawf, il y a peu de peur, et en plus, ça montre un mépris. C'est l'addition d'avoir fait ce péché-là et de cette entêté qui montre que cette personne-là, yani, il donne pas d'importance, qu'il méprise ce péché-là. Cette addition-là fait que ce péché-là, il devient énorme. Enfin, ça, c'est important, c'est par rapport à al-kaba'ir. Pour évoquer, qu'est-ce que le kaba'ir? On revient sur le hadith. Qala, قال الشرك بالله إسا سواره قال سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Tous les péchés en dehors du shirk et en dehors de les péchés qui font sortir de l'islam, ils sont pardonnés. Ou plutôt, ils sont tahat al-mashiyah, sous la volonté d'Allah. S'il veut les pardonne, yawm al-qiyam, ou s'il veut les pardonne pas. Amma shirk, as-sahih, qu'il soit grand ou petit, fa, il n'est pas pardonné par rapport à la ayah. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, que ce soit un petit, une petite ou une grande association. Donc, ça montre, yani, l'énormité de ce péché-là. Et kadhalika, wa man yushrik billah. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Ça, ça nous montre aussi كذلك l'énormité du shirk بالله عز وجل. Et c'est معروف حتى جاء في الحديث قال أي ذنب أعظم. Quel est le plus grand des péchés? قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Le fait que tu associes Allah عز وجل, or c'est lui qui t'a créé. Et c'est-à-dire c'est grave parce que en dehors d'Allah عز وجل personne ne t'a créé. Et personne ne peut te créer. Personne ne peut t'extraire du néant pour faire de toi un vivant en dehors d'Allah. Et en plus de cela, tu te permets d'associer à Allah et à Azzawajal. Celui qui t'a donné la vie. Naam. Fait, ma'rouf. Le shirk, c'est le plus grand des péchés. Inna shirk, la zulmun azim. Ce qui est voulu ici, c'est les deux. Al-shirk billah, les deux font partie des plus grandes kabaires. Amma, le shirk al-akbar, fait, sahibahu, il est mukhalat finnar, il est dans le feu éternel. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala salamat al-afiyah. Wa amma ash-shirk al-asghar, fa cette personne-là ne va pas, il n'aura pas le feu éternel, lakin, il faut savoir que yawm al-qiyamah, s'il n'a pas fait tawbah, ce péché-là sera apparent dans les mizan as-sayyi'at, dans la balance des grands des péchés, et ce péché-là va peser très lourd. Et cette partie, il fait partie des péchés les plus lourds, parmi les péchés qui ne font pas sortir de l'islam. Le shirk billahi azza wa jal, Al-Asghar, c'est le plus grand des péchés qui ne fait pas sortir de l'islam. Qala wa uquq al-walidain. Comme on a pu voir, le fait d'être malveillant envers ses parents, que ce soit par, à travers les paroles, à travers les actes, ou bien à travers la manière de se tenir vis-à-vis d'eux. Ça fait partie des quoi? Des plus grands péchés. Des péchés énormes. Uquq al-walidain. Issa'a, l'issa'a, le fait d'être mauvais envers eux. Qala wa jalasa wa kana muttaki'a. Jalassa, il était assis, plutôt il était accoudé. Summa jalassa, fa jalassa. Et il a évoqué le troisième. Fa qala ala wa qawlu az-zur. Az-zur, qala al-ulama, c'est le qawl al-muzayyif, al-muzawwar. C'est la parole qui a été embellie. C'est le faux qui est présenté sous l'apparence de la vérité. Hadha huwa al-qawl az-zur. Et certains ont dit qawl az-zur, c'est le fait de rapporter un faux témoignage. Lakin as-sahih, c'est le faux qui est présenté sous l'apparence de la vérité. Hadha huwa az-zur. Lianna, ça vient du verbe zawara. Et zawara, c'est bima'na al-muzayyif, la chose qui est fausse. Yani, comme un billet qui est faux. Un billet qui est faux, on va dire, hadha muzawwar. Ce billet-là, il est faux, muzawwar. Et ça, c'est qawl az-zur. C'est la parole qui est quoi? Qui a été embellie. Le faux qui est présenté sous l'apparence de la vérité. Fahada, ça fait partie des plus grands péchés. Akbar al-kaba'ir. Et là, on remarque que, le prophète, alayhi sallallahu alayhi, lorsqu'il a prononcé qawl az-zur, il a sawaba, yani, julusahu. Il s'est bien positionné. Afin de marquer l'importance de ce péché-là. Les ulama, ils ont dit, mais, le shirk billahi azza wa jal et kadaik uquq al-walidain était plus en droit que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était assis, ou plutôt lorsqu'il était accoudé, il aurait dû se mettre assis à ce moment-là. Parce que le shirk et uquq al-walidain sont plus grands que cela. Sont plus grands que qawl az-zur. Fahan, ils ont dit pourquoi il n'a pas marqué l'assise et il s'est accoudé lorsqu'il a informé du shirk et de uquq al-walidain et lorsqu'il a évoqué qawl az-zur, jalasa. Il s'est bien assis après être accoudé. Qala al-ulama, certains ont dit peut-être parce que c'était un péché qui était quoi dont les gens ils avaient une négligence ou bien qu'ils pensaient que c'était pas une affaire qui est grande. Fait, il s'est assis afin de marquer l'importance de ce péché-là, afin de marquer leur esprit. Que cette chose-là que vous pensez être hayyin, légère, fahuwa indallahi azim, elle est énorme. Et c'est pour ça que, afin de marquer l'esprit de ces sahaba, il s'est assis. Afin qu'ils se disent, mais attends, il était accoudé, il a évoqué, shirk billah, uquq al-walidain, ils savent qu'adalika, pour eux c'était azim quelqu'un qui, yal'an al-walidain. قال لعن الله من لعن والدي. Allah maudit celui qui aura maudit ses parents. Je dis, comment est-ce possible qu'une personne maudisse ses parents? Il dit, Vani va maudire les parents d'un ami, et cette personne-là va maudire ses parents, et c'est comme si jamais il avait maudit ses parents. Yani, il a fait sabab pour que la personne maudisse ses parents. Enfin, pour eux, c'était une chose qui est grave, qui était connue. Uquq al-walidin, c'était une chose qui était connue. Lakin qawl az-zur, il se peut que c'était une chose dans laquelle il y avait une négligence, ou bien il se peut que c'était un péché qui était tellement, on va dire, répandu, qu'il a voulu marquer l'esprit de ces personnes-là. Que ce péché-là qui est répandu fait partie des énormes péchés. Ijtanibou. Écartez-vous de ce péché-là. Qala mazalla yukarriruha hatta qultu laytahu sakat. Ala wa qawlu zur, yani le dernier. Ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur. Il a répété énormément de fois, afin de marquer l'esprit de sahabi, que ce péché-là, c'est un péché qui est énorme, même si certains le négligent. Et écartez-vous de ce péché-là, peut-être il y a la deuxième explication, écartez-vous de ce péché-là qui est énormément propagé. Inch'Allah, on va se contenter de cela. Et nas'Allah Azza wa Jal, en infa'ana wa iyyak bima sami'na. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse profiter de ce qu'on a pu entendre.